Rhodes, aspect de ses fortifications, intérieur de la ville, le palais des grands maîtres. Aujourd'hui, quand on arrive à Rhodes, l'île se présente à peu près sous la forme d'un triangle qui aurait sa base à la mer et dont le sommet serait au point culminant d'une éminence sur le versant de laquelle la ville descend jusqu'au port. À ce sommet, et à la place de l'ancienne flèche de Saint-Jean, se dresse un petit minaret blanc posé sur une large base de pierre, carrée, colorée par le temps, comme sur un socle beaucoup trop disproportionné. C'est tout ce qui reste du clocher de la cathédrale, mutilé par les boulets de Soliman. La base du triangle offre un aspect des plus imposants. Une ligne de murailles crénelées, percée d'embrasures et de meurtrières, s'étend de l'est à l'ouest, accidentée par des tours rondes ou carrées, massives ou élancées, montrant fièrement les baies noircies par lesquelles sortaient autrefois les boulets qui tenaient l'ennemi en respect loin du port. Aux deux extrémités de cette muraille viennent se rattacher celles de l'enceinte qui, en faisant le tour de la ville, monte au sommet de la colline par l'ouest, redescend par l'est et lui fait de tous côtés une solide cuirasse dont le défaut ne put jamais être trouvé par les Turcs. Tous ces murs crénelés, toutes ces tours, tous ces ouvrages de défense portent encore, parfaitement conservés et reconnaissables, des armoiries qui prouvent que leur construction est due aux divers chefs de l'hôpital. Par le nombre des blasons ainsi sculptés, scellés sur les murs, on voit que chacun des grands maîtres de Rhodes a voulu contribuer à son embellissement ou à sa défense. Les hiéroglyphes de la noblesse française portent écrits les noms de Villeneuve, Béranger, Naillac, Lastic, des Ursins, d'Aubusson, d'Amboise, l'Isle-Adam et d'autres noms moins illustres. Mais ce port est silencieux. Les murs écroulés qui l'entourent sont dégarnis de leurs arbalétriers. La ville entière semble sommeiller. Autour d'elle, la brise seule exhale son souffle et bruit à travers les fleurs de l'île enchanteresse, en leur enlevant leur parfum qu'elle répand dans l'air. Est-ce là cette cité qu'animait une marine si active au temps de Villeneuve ou de d'Aubusson? Est-ce bien cette place de guerre qui résonnait des fanfares militaires et qu'ébranlait les mille bouches de ses valeureux canons? Plus rien commande silence dans Rhodes, autour d'elle une campagne solitaire. Voici 340 ans que les Turcs sont les maîtres de Rhodes. L'herbe pousse au milieu des rues, et le pied du passant ne l'empêche pas de grandir. Le sentier dans la plaine se voit peu, le pas de la mule y reste longtemps imprimé entre les fleurs qu'il laisse épanouir. Mais cette mousse recouvre les grandes pierres des palais. Sous ce lierre sont cachées des armoiries illustres. À travers cette embrasure, où ce long canon fleur-de-lysé semble attendre un ennemi qui ne viendra pas, on ne voit que des champs verdoyants et de grands tertres, où éclos à foison la tulipe sauvage, à côté des narcisses et des roses. Les cippes de marbre qui se dressent au milieu de ces fleurs, ce sont les tombes des guerriers de Soliman. De bien loin, on l'aperçoit, car les Turcs ont pris soin de la blanchir comme s'ils voulaient qu'on la vît mieux, cette grande tour Saint-Michel avec ses quatre tourelles. Le flot, que les courants de l'archipel poussent jusque-là, vient se briser en écume blanche à son pied. Elle domine la mer de toute sa hauteur, et ses trois écussons montrent aux générations étonnées le nom de son fondateur, Philibert de Naillac. Le port est peu vaste, mais n'était-il pas toujours assez grand pour les navires de l'ordre, auxquels les intérêts de la religion et de l'Europe chrétienne interdisaient le repos? De quelque côté que le regard se porte, ce ne sont que murailles à embrasures, créneaux et barbacanes. Personne n'y veille. Par-dessus ces murailles, qu'ébranlèrent avec tant de peine les canons de Soliman, la ville se montre tout entière, dominée par Saint-Jean, l'ancienne cathédrale. La chaux répandue sur quelques maisons rappelle qu'elles sont habitées par des Turcs ou des Juifs. Mais leurs formes, leurs ogives à trèfles et les créneaux qui les surmontent portent encore le cachet de leurs premiers habitants. C'est là cette école de la chevalerie, où pendant plus de 200 ans, les successeurs de Raymond du Puy, de Guillaume de Châteauneuf, de Villaret, héritiers de leur gloire et de leur vertu, formaient au noble métier des armes une jeunesse ardente qui brûlait de gagner ses éperons en combattant les Turcs et les Sarrasins. C'est ici qu'après les désastres de Palestine, Foulque de Villaret, conduisant les débris de son ordre échappé au fer des Sarrasins, va planter l'étendard des hospitaliers, béni à Jérusalem et arboré, deux siècles durant, sur les murs d'Ascalon, de Marga ou de Ptolémaïs. C'est là qu'un chevalier chrétien fit verser des larmes de compassion à un empereur turc qui plaignait ses malheurs après avoir admiré sa bravoure. Et c'est au pied de cette tour, sur cette pierre dont l'âne rouillé a retenu la barque sur laquelle Villiers de l'Isle-Adam monta en quittant Rhodes pour aller chercher d'autres infortunes, que le grand maître fit au sultan vainqueur, qui lui offrait de grands honneurs s'il voulait le servir et abjurer sa religion, cette réponse. Un aussi grand prince dédaignerait les services d'un renégat. Chaque voûte, chaque coin, semble apporter un écho de la langue austère de ces hommes dont l'amour de la gloire était la passion dominante, dont l'honneur et la foi chrétienne furent les sincères croyances, noble héritage qu'ils tenaient de leurs devanciers et qu'ils avaient apporté de la Terre Sainte. En faisant le tour de ces remparts formidables, on y retrouve les canons fondus aux armes de la religion. Ils sont encore sur leurs affûts brisés ou vermoulus. Immobiles sur leurs plateformes, leurs roues, soudées aux essieux, semblent avoir pris racine et poussent des herbes sauvages. La rouille qui les dévore ronge leur lumière. Ces embrasures ne fument plus qu'au jour du Bayram, lors des salves qui annoncent aux musulmans que les réjouissances doivent succéder au long jeûne du Ramazan. Au fond de ces larges fossés taillés dans le roc, tant de fois arrosés de sang, l'herbe croît haute et abondante. Personne n'y descend, les reptiles seuls s'y glissent en paix. Si l'on franchit ces murs encore teints du plus pur sang de la noblesse du XVIe siècle, et que l'on pénètre dans cette ville remplie des souvenirs de ses glorieux fondateurs, on est frappé de son aspect martial, qu'elle a conservé en dépit des kiosques ou des minarets turcs qui ont en vain essayé de la défigurer. On se sent saisi d'un respect involontaire pour le palais des grands maîtres, pour les demeures des chevaliers dont les blasons surmontent encore les portes bardées de fer. Dans la rue qui monte du port vers Saint-Jean, entre de hautes murailles crénelées et couvertes d'écussons, on croit entendre un faible écho qui apporte le bruit des pas d'un chevalier dont la beauté prônée résonne sur la dalle. On éprouve comme une hallucination qui fait entrevoir, dans un demi-jour, une croix blanche qui se plisse sur une côte d'armes rouges, tant les souvenirs se pressent et prennent les allures de la réalité. Glorieuse fiction qui fait revivre un autre âge. Admirable prestige d'un temps héroïque qui pousse l'imagination vers les illusions en faisant battre le cœur au milieu d'eux. Mais ces temps ne sont plus, et le rêve ne dure pas. Le chevalier ne fera plus le pavé de sa lance. L'Isle-Adam a quitté Rhodes pour toujours. Il n'y a plus là que les murs élevés par les hospitaliers, que le pavé qu'ils ont foulé et sur lequel glisse, comme une ombre, dérobée sous son voile, la femme turque effrayée de se trouver seule au milieu de ces édifices et de toutes ces images des Francs. Un jour, peut-être, une autre bannière chrétienne flottera sur la tour Saint-Michel. Dieu peut permettre aux fils de conquérir les remparts que défendirent leurs pères et de rentrer par une nouvelle brèche dans les palais qu'avaient bâtis leurs ancêtres. Les Turcs y pensent. Ils croient à cette restitution. Leurs docteurs l'ont annoncé. Ce doit être un vendredi à l'heure de la prière de midi. Se souvient-il donc que Godefroy de Bouillon est entré dans Jérusalem un vendredi? Les Turcs ont peur et chaque semaine, ce jour-là, à midi, les portes de Rhodes sont fermées. Les ponts-levis sont levés. Mais que pourraient les ponts-levis, les herses et ces faibles portes contre les arrêts du destin? Que pourraient même ces vieux remparts, si redoutables qu'en veillait sur eux la milice de l'hôpital? Saladin n'est plus, et il s'en faut que nous soyons tant de Soliman. On peut donc se laisser aller à l'espoir et dire, en foulant cette terre tout imprégnée de sang français, « Que Dieu le veuille !» Ainsi que, partant pour la croisade, nos pères disaient « Dieu le veut !» Parmi les édifices les plus considérables, on remarque, au sommet de la ville, les hautes murailles d'un palais. Sa grande porte, flanquée de deux tours, surmontée de deux clés et d'armes de gueules, frettées de lances d'or, semées d'écussons de même, rappelle le grand maître Hélion de Villeneuve, successeur de Foulque, à qui cette colonie de guerriers doit un grand nombre de travaux importants. Ce monument de la munificence de l'ancien grand prieur de Provence, devenu l'hospice des soldats turcs, prison d'État à l'occasion, et dont cette destination avilit l'intérieur, montre encore au-dessus du bastion d'Auvergne qui lui servait de défense, ses murs lézardés et ses créneaux décapités. Voisin de la cathédrale, il touchait autrefois un édifice dont il ne reste plus que les fondations à fleur de terre. C'était la loge de Saint-Jean, la salle du conseil où s'assemblait le chapitre de l'ordre. Il y a quelques années seulement que la voûte s'est affaissée, et l'on n'en voit plus que la principale arcade en ogive, aux armes de Jean de Lastic, qui ouvre sur la rue à laquelle les traditions populaires ont conservé le nom de la rue des Chevaliers. Au milieu de ces ruines, et menacées du même sort, on voit un petit palais dont les fenêtres sont encadrées de moulures dans lesquelles s'entortillent des feuilles d'acanthe d'un travail délicat et gracieux. On croit que c'était le presbytère ou l'habitation réservée au clergé de la cathédrale qui s'élève à côté. L'église Saint-Jean, convertie en mosquée, est entourée de masures ou de ruines derrière lesquelles elle semble cacher sa honte. Destinée bizarre, son nom lui est resté, comme celui de Sainte-Sophie a été conservé à l'antique basilique de Byzance et à Rhodes, comme à Constantinople, les musulmans font la prière dans un temple qui est demeuré sous le vocable d'un saint chrétien. Ici, ils se prosternent sur les dalles où s'agenouillaient les chrétiens et sur lesquelles reposent leurs cendres. C'est en face du sanctuaire, où entre deux assauts, l'Isle-Adam et avant lui d'Aubusson venaient recevoir le pain de la communion, que les Turcs invoquent le dieu de Mahomet. La noblesse du sang, le courage et l'héroïsme religieux qui inspirèrent jadis tant de belles actions imposent assez de respect aujourd'hui encore aux fils de ceux qui en ont été les victimes pour qu'ils craignent porter une main sacrilège sur les monuments et les noms de ceux qui les ont illustrés. Combien de fois cette pensée ne se présente-t-elle pas à l'esprit quand on parcourt cette ville de Turcs où chaque rue, chaque maison, on peut dire chaque pierre, porte encore le sceau de son origine chrétienne, l'empreinte de cette foi belliqueuse si souvent fatale à l'islamisme et secourable à l'Europe, et dont l'Europe ne se souvient plus que comme d'une vieille légende poétique.